l'agonie, livre 2, chapitre 14. Zal se réveillait dans le soleil de sa chambre, à peine meublée d'un lit de planches, d'une table très grossière et d'un escabeau pliant. Au-dessus du lit, sur une étroite planchette à la muraille retenue par des cordelettes de cuir, un rouleau de papyrus reposait, et il le prit, s'absorba longtemps dans la lecture d'un évangile oriental. On frappa. La porte au panneau disjoint s'ouvrit, laissant passer Gaël. Il t'attend, il désire te parler. Je t'ai fait connaître à lui, et c'est Madé qui a insisté pour qu'il te vît. Qui donc, frère? Demanda Zal. Attilius, tu sais Attilius, le maître de Madé, qui demeure au Carène. De Madé, mon frère de Syrie. Zal se leva, ne comprenant rien à ce que disait Gaël, dont le langage était toujours précipité. Il se fit expliquer. Gaël était reçu depuis longtemps auprès d'un ami d'enfance nommé Madé, affranchi par son maître, Attilius, le primicérius que tout Rome connaissait, au moins de nom. Il était bon pour son affranchi, Attilius. Il l'avait voué à la pierre noire. Il l'aimait. Oui, il l'aimait. Gaël s'étendit sur le genre d'amour d'Attilius pour Madé. Un jour, le primicérius lui demanda, à lui, Gaël, si les chrétiens étaient prêts à soutenir l'Empire, pour eux si indulgents. « Alors je parlais de toi, » continua Gaël, « de toi qui assures que Christos implantera la vertu dans le fumier de l'Empire, de toi qui es l'apôtre des chrétiens orientaux. » Et cela lui parut si intéressant qu'il voulut que je t'emmenasse chez lui. Ils descendirent les 8 étages de la maison, dont les ménages pauvres habitaient les chambres basses, pleines de rumeurs de métier. Gaël remarqua que les voisins de Zal se rangeaient prestement, comme s'ils eussent eu peur de cet homme, duquel on disait qu'il assistait à des assemblées mystérieuses de chrétiens où l'on buvait du sang d'enfants égorgés. Tous étaient des sectateurs des dieux des 3 continents, et, parmi eux, des laveurs et des embaumeurs de mort intéressés à combattre Christos parce qu'ils commandaient que les cadavres fussent simplement enfouis dans la terre au lieu d'être brûlés après avoir été lavés et embaumés. Ils connaissaient fort peu Zal et déjà l'accablaient, en dessous, de toutes sortes d'injures qui ne le touchaient pas. Dans la rue, justement, ils croisèrent le convoi d'un polythéiste, qu'ils saluèrent, malgré qu'on ricanât à ce salut. Le mort, un petit fabricant de papyrus, était porté dans un cercueil par 4 lectiquaires. Un désignateur, suivi de lecteurs vêtus de longues robes noires, conduisait le convoi composé des parents, des amis, des ouvriers et des voisins du quartier où le défunt avait longtemps exercé son industrie. Des musiciens ouvraient la marche, des joueurs de flûte, de trompettes et de cors, alternant avec des pleureuses qui déchiraient leurs vêtements et se couvraient de poussière cueillie au bord des trottoirs. Un archimime, généralement à la suite de tous les convois de la région, grimé exactement comme le défunt, contrefaisait ses gestes, parlait comme il avait parlé, pendant que ses fils, la figure voilée, et ses filles, la tête nue et les cheveux épars, se traînaient derrière en gémissant. Ils coupèrent rapidement jusqu'au Célius, et la petite maison des Carènes s'ouvrit bientôt. Le Janitor eut un mouvement. « Qu'a le maître Attilius? Après Gaël, cet homme, qui est pauvre sans doute. Est-ce qu'il viendra souvent ici, me forcer, moi, Yannitor, à lui ouvrir les portes de sa maison ? Mais cela en aparté, car il eut un grand salut pour Gaël et une inclination discrète pour Zal. Madé accourait vers eux. « Voici Zal, » dit Gaël, lui présentant le Perse, qu'il prit par la main et conduisit dans l'atrium, où le crocodile émergea de son bassin. Le singe grimaça en se grattant une cuisse, et le paon rayonna, fastueux. Il le quitta pour revenir bientôt. « Il t'attend, et c'est moi qui veux te conduire auprès de lui. » Zal n'était point attiré par les choses étranges de la maison, surtout par la décoration des cubiculas disposées aux deux côtés du tablinum. Le péristyle était désert, et la gloire de ses colonnes rouges, dont les chapiteaux en lotus dominaient de haut un bassin qui pleurait au milieu, dans un étincellement de soleil, ne l'arrêta pas davantage. Madé marchait devant, en une fuite de sa robe lâche, dont les rayures étaient bleues et jaunes, et qui laissait voir l'ondulation suspecte de sa croupe et de ses reins. Enfin, Attilus parut en un appartement retiré, qu'éclairait un grand jour de la voûte, et, simplement, il fit signe à Zal d'avancer, pendant que Madé s'en retournait. Le Perse, à le considérer, se dit que depuis le camp des prétoriens, il avait maigri et pâli, que ses doigts minces et longs paraissaient sans force, que ses étranges yeux violets s'enfonçaient davantage dans un haut de face au méplat légèrement ivoiré. Mais cette impression fut rapide, car Attilius le pria de s'asseoir sur un siège de bronze, en une égalité qui le gagna. « Je te sais vaillant et sage, » dit Attilius, « et le Syrien Gaël, l'ami d'enfance de mon affranchi, m'a quelquefois causé de toi. J'ai donc voulu te connaître davantage. Je t'ai appelé pour des choses graves, des choses qui concernent ton Christos. » « Entre Christos et la pierre noire, » répliqua Zal, « il n'y a pas de rapprochement, sinon qu'elle prépare son avènement. Le dogme de la vie physique est le vôtre, superphysique le nôtre. Mais Christos sait ce qu'il veut, et pourquoi il veut ce qu'il fait. » « Je vous sais bienveillant. Antoninus et Sémias vous sont des bonheurs, » reprit Attilius. « J'aime votre Christos, mais votre Christos, par la bouche enfielée de quelques-uns de ses croyants, nous est ennemi. Tu es intelligent, toi, et tu vas entrevoir aussitôt la portée de mes paroles. » Et il lui apprit qu'un nommé Atta ne cessait depuis quelque temps d'exciter les chrétiens contre Elagabalus, les poussant ardemment à une rébellion dont eux-mêmes ne retireraient aucun profit. Sais-tu qui guide Atta ? Mammea, qui se propose de tuer Antoninus, et nous tous pour son fils, le César Alexander. Les chrétiens ne gagneront rien à ce changement, car Mammea a moins que Sémias le goût des choses de Christos. À ce nom d'Atta, Zal eut son habituel sourire méprisant. Il est capable de tout, celui-là, même de violer sa mère, s'il l'a encore, et de renier Christos, s'il ne l'a déjà renié. Vous êtes d'autres chrétiens, ajouta Attilius, qui ne vous rebellez pas contre Antoninus, parce que vous êtes de l'Orient. Eh bien, je propose un pacte entre Antoninus et vous. Soutenez l'Empire, et l'Empire vous soutiendra. N'a-t-il pas déjà accepté votre Christos dans ses temples ? Il est parmi nous, votre Dieu. » Suivi de Zal, il alla vers le temple où Gaël avait pénétré. La porte circulaire s'ouvrit, et Zal vit les statuettes des dieux égyptiens et phéniciens, l'été, les brasiers d'encens fumeux, la Vesta, et le grand Christos noir, en face du cône noir, supporté par un pied d'ouche de pierrerie. Tu le vois, nous reconnaissons, nous, la gloire de votre Christos. » Ils marchèrent lentement, et les yeux violets d'Attilius brillaient, et Zal se laissait aller à lui. Le Primicerius, comme s'il eût tenu à persuader le Perse, lui parlait de l'androgyne, de cet être supérieur apparu à l'aube de la création, et possédant les deux sexes séparés depuis. Leur réunion formait tout le symbole de la pierre noire, signe concret du culte de la vie, qui, stérilisant séparément les sexes, fait naître enfin l'un, l'éternel, l'homme-femme à deux visages, à quatre pieds et à quatre mains, gisant dans toute religion. L'homme ne se donnant qu'à l'homme, et la femme qu'à la femme, qu'arrivera-t-il? La nature détournera son flot de vie vers l'un, désormais possédant les attributs de l'autre, et ce sera l'homme avec le sexe de la femme et la femme avec le sexe de l'homme, mais en plus la grâce, la force, l'intuition, la beauté et la suprême intelligence des deux. Mais elle l'arrêta. Nous partageons cette doctrine, à la différence que cette unité sera dans les âmes et non dans les corps. Notre Christos est bien l'androgyne, il est vrai, avec la grâce, la force, l'intuition, la beauté et la suprême intelligence de l'homme et de la femme divinisés en lui. Mais il a été homme avant, avec un seul sexe. Vous prenez le signe pour la signification, le fini pour l'infini, voilà tout. Nous élargissons dans le par-delà l'androgyne. Ils devenaient tous deux très obscurs, se chicanant sur des ombres de mots. Attilius accusant Zal de se laisser aller à des rêves sans consistance, de ne pas être certain de l'autre vie dont il lui parlait. Zal assurant Attilius que la tentative matérialiste d'un androgyne était contraire aux lois naturelles, donc à Christos qui les avait établies. Et le Perse était maintenant riche d'une telle supériorité spirituelle qu'Attilius s'exclama « De qui es-tu fils, toi? Où as-tu appris cela? Tu me stupéfies !» Il grandissait, Zal, une clarté de fierté au front, avec aux yeux une douceur et une intrépidité d'apôtre. Les mains dans la ceinture de cuir de sa robe couvrait sur la poitrine un triangle renversé de subucula, il répondit calmement. « Ah, je compte parmi mes ancêtres un puissant humain qui eût renouvelé la face de la terre si la mort l'eût laissé faire. » Il prononça son nom. Ça avait été un grand roi qui passa impérieusement sur l'Asie, au bruit des tambours et des trompettes de guerre, en un accompagnement de millions d'hommes, qui laboura de ses chars plus de sol qu'un courrier ne traverserait en 10 années, qui détourna des fleuves, arrêta des mers, fit crouler des montagnes, rasa et érigea des villes, puis s'endormit calmément un jour, croyant avoir tout fait et tout défait. Hélas, sa mémoire coula dans le temps comme un ruisseau dans le sable. Son corps, embaumé en un monument de 300 coudées, les 4 vents du ciel le dispersèrent un jour, et il ne resta rien de lui, sinon des descendants de plus en plus obscurs, ayant de son sang, mais non de sa gloire. Il se tut un instant sous l'émotion de cette extraordinaire révélation. Pour reprendre tout bas, malgré qu'Attilius l'entendit, « Je serai moi-même à ta place, ancêtre, que je renoncerai à la domination des corps pour conduire les âmes vers Christos, car tout est vain dans l'agneau. » Il se promenait toujours d'un appartement à un autre, se rapprochant de l'atrium d'où la voix de Gaël et de Madé leur parvint. Zal dit alors brutalement, Vois, Madé, ton prêtre, est-ce que sa nature d'homme a changé depuis? Et crois-tu qu'un double sexe crèvera sous sa peau à force de le violenter? Attilius eut un sourire. Si ce n'est lui, ce sera un autre. La poursuite de l'androgyne doit se faire, et le principe de la vie triompher. Ne démontrant pas, comme Zal, il se contentait d'affirmer, toujours perdu dans sa vision de l'être unique qui voilait son amour pour Madé, purement de chair. Et il ne rougit pas de ce que dit Zal, comme Zal ne rougit point d'aborder ce sujet de l'amour mâle si délicat. Ils avaient oublié, durant cette discussion, l'objet même de leur rencontre, l'espèce d'accord à établir entre les chrétiens et la Gabalus. Le Primicérius y revint, insistant sur le bénéfice que Christos retirerait. « Il faut que je t'apprenne ceci, » dit Zal. « Les chrétiens occidentaux, en grande partie, n'en voudront point. Mais les chrétiens orientaux accepteront sans doute. Nous défendrons Elagabalus, non pour soutenir son péché, qui fait se voiler la face du ciel, mais pour préparer les voies à l'agneau dont les secrets sont impénétrables. » Il le quitta là, toujours fier, n'acceptant rien d'Attilius, qui lui offrait sa maison, des vêtements et de l'or. Et il reprit Gaël, parcourant le jardin avec Madé, qui de loin ressemblait, baigné de soleil, à un être surnaturel se mouvant dans de la lumière. Les deux chrétiens passèrent sous le regard du Janitor et de quelques esclaves, absolument ahuris des hôtes que depuis quelque temps recevait leur maître Attilius. Dans la rue, Gaël dit à Zal, « Mon pauvre frère Madé est malheureux, bien malheureux. Vois-tu, notre pauvreté vaut mieux que sa richesse, car il est comme un paon en cage, et sa vie ne lui appartient plus. » Thank you.